Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté la savonnerie de Ryongsan en construction. Il a été accompagné de Fang Byung-so et de Cha Ryong-hae, membres du Comité Permanent du Bureau Politique du Comité Central du Parti du Travail de Corée et d'autres cadres responsables du parti et de l'armée. Bien qu'elle a été mise en chantier il y a peu de temps, les bâtiments sont déjà construits. Ce disant, le camarade Kim Jong-un a apprécié la façon de travailler et les efforts dévoués des militaires bâtisseurs. Il a écouté les explications devant le panorama de la savonnerie avant de faire le tour du chantier de construction pour préciser les tâches et moyens posés dans l'achèvement de l'usine au niveau suprême. Et de continuer. De son vivant, le général Kim Jong-il a recommandé de mettre sur pied une usine exclusivement fabriquant des savons liquides. Cette savonnerie, objet d'intérêt de notre parti, qui fabrique des shampoings pour les cheveux et le corps et savons en poudre, est directement liée à l'amélioration de la vie du peuple. Les cadres intéressés et les militaires bâtisseurs doivent œuvrer avec l'objectif ambitieux de construire une savonnerie moderne d'ordre mondial pour la qualité des produits et capable de satisfaire les besoins de tout le pays. Il faut doter l'usine impeccablement des installations modernes, automatiser parfaitement tous les procédés de production depuis l'alimentation des matières premières, le mélange, l'injection, l'emballage et la sortie, implanter au niveau suprême le système de commande intégrale et la munir complètement des équipements d'analyse de pointe permettant de contrôler et de garantir strictement la sécurité hygiénique des produits. Il est nécessaire d'accélérer les préparatifs techniques destinés à fabriquer suffisamment de savons de différentes sortes à base de matières premières et parfums nationaux et de bien mettre à l'étude les questions de dessin et d'emballage des produits en conformité avec le goût des clients. Si l'on veut fabriquer des savons de luxe, les environs de l'usine doivent être propres et c'est pourquoi le parti a choisi l'emplacement de la savonnerie au pied du mont Yongak aux Olympides, au beau paysage et à l'air propre. Le maréchal Kim Jong-un a nommé l'usine savonnerie de Ryongsan. Soulignant que la savonnerie de Ryongsan est une usine impérieusement nécessaire à notre peuple et que notre parti attend son achèvement, le camarade Kim Jong-un a exprimé attente et certitude que les cadres intéressés et les militaires bâtisseurs, en tant que participants et militants honorables de la campagne de 200 jours pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti Travail de Corée, opéreront de nouveaux prodiges et mérites pour achever à merveille la savonnerie de Ryongsan au niveau mondial avant le 10 octobre, jour anniversaire du parti.